Retour à l'émission et là, j'aime bien le sujet que Raymond Poirier me propose pour sa chronique numérique parce que c'est vrai qu'on les lit sur le web et ils nous dérangent, on les qualifie de trolls. Eh bien, on va aller un peu plus loin avec une étude qui s'est penchée sur ces gens qui racontent toutes sortes de méchancetés sur le web sous le couvert de l'anonymat. Bonjour Raymond Poirier. Bonjour Dominique Lelièvre. Alors c'est très sérieux, hein? C'est une consultation qui a été réalisée par le Pew Research Center aux États-Unis. Exactement, un centre respecté qui a été chercher des avis de nombre de gens tout aussi respectés dans le domaine des technologies, dans le domaine du numérique. Donc, ils ont envoyé un courriel à peu près, 1700 personnes et plus pour leur poser quelques questions. Donc, pour essayer de voir qu'ils pensaient justement de l'évolution du commentaire sur le web, dans les médias sociaux au fil des 10 prochaines années. Donc, on parle d'un horizon de 10 ans qui a été mis de l'avant. Est-ce qu'ils pensent qu'il y aura une demande de solutions toujours plus croissante autour des questions d'interaction sociale? Que devrait-il arriver à la liberté d'expression? Quelles sont les conséquences du discours anonyme, du discours privé aussi? Alors, une série de questions qui leur ont été envoyées. Et ça s'inscrit dans la réflexion qu'on entend de plus en plus sur les fake news, donc les fausses nouvelles, sur l'idée qu'on peut s'exprimer peut-être avec un peu trop de légèreté, avec un peu trop de liberté, si une telle chose existe sur le web, avec les conséquences des discours haineux, des discours intimidants qu'on y retrouve, évidemment dans un contexte où ces discours-là ne sont pas nouveaux, mais semblent prendre de plus en plus de place et semblent avoir de plus en plus d'influence sur la construction de nos systèmes politiques à tout le moins, sur notre construction sociale également, et tranquillement on se rend compte qu'on est rendu disons, dans un nouvel écosystème. Alors, est-ce que cet écosystème-là va durer? Est-ce qu'il va se transformer? Est-ce qu'il va s'évaporer? Donc, c'est essentiellement les questions qu'on leur a posées. Tu parlais, Raymond, des fausses nouvelles. Et souvent, quelqu'un qui publie une fausse nouvelle va susciter tout un lot de réactions des gens qui pensent que c'est vrai et qui commencent à raconter à nouveau toutes sortes de méchancetés. Mais sur la base d'une nouvelle qui était fausse, et on a eu un tellement bel exemple dans les derniers jours. C'est en France. Alors, pour ceux qui suivent un peu la campagne électorale, vous avez Emmanuel Macron qui passe un peu pour la personne des élites issues du monde des finances, quelqu'un de très propre, très droit. Et il y a une fausse nouvelle qui a circulé à son objet. En fait, c'est une citation dans laquelle il disait, il l'aurait dit, mais c'était faux. C'est une fausse citation. Quand je serre la main d'un pauvre, je me sens sale pour toute la journée. Et là, il s'est rendu par la suite visiter une usine des ouvriers et les gens étaient en colère contre lui et lui disaient, voulez-vous me serrer la main? J'ai les mains sales. Il y avait des gens qui se sont présentés avec les mains toutes sales juste pour faire suite à ce commentaire qui n'a jamais vraiment été tenu. Et là, je me suis dit, là, c'est dangereux, les fausses nouvelles, parce que les gens y ont vraiment cru, au point où ils invectivent le candidat sur place, alors qu'il n'a jamais tenu de tels propos. Et ça amène, en fait, parce qu'il y a quatre grands thèmes, si on peut dire, qui sont ressortis des discours contenus, les experts consultés par le Pew Research Center. Et c'est un peu dans l'esprit du deuxième thème, en fait, où le grand élément qui en ressort, c'est que les choses vont rester identiques à l'actuel au fil des 10 prochaines années parce que d'un point de vue économique et d'un point de vue politique, il y en a qui ont des avantages à préserver le système actuel. Donc si on participe plus, évidemment ça amène plus de profits, ça peut amener aussi plus de pouvoir. Donc l'exemple que tu donnes, ben évidemment il y en a là-dedans qui ont disons des avantages à ce que des faux discours qui dénigrent, qui démonisent des opposants politiques circulent. On l'a vu aussi beaucoup avec la campagne électorale aux États-Unis. Parallèlement, sur les médias sociaux, on le sait, c'est la participation qui mène. C'est celle-là qui génère des profits, autant pour la plateforme que pour ceux qui émettent des informations. Alors, les informations qui suscitent la colère, qui suscitent la haine, qui suscitent la peur, eh bien, c'est celles qui suscitent aussi le plus de réactions. Le plus de clics, le plus de j'aime, le plus de ça me met en colère, le plus de ça me rend triste. Alors, donc, ces réactions-là, ben, sont une forme de participation. qui amène des réalités économiques. Alors, tant que les plateformes sociales vont avoir avantage à préserver et à mettre de l'avant ce système-là, mais il y a des experts qui disent, mais pourquoi le système lui-même en viendrait à changer? Parce que, veut pas, les plateformes sont les principales pourvoyeurs de ça. Et donc, ils n'ont pas avantage donc à diminuer leur profit potentiel. Au contraire, c'est des entreprises privées. L'entreprise privée va chercher à aller compter un certain nombre de profits. C'est pas une coopérative. Là. C'est Facebook, c'est Google, c'est pas des coops. Alors, donc, nécessairement, ils vont peut-être être tentés de préserver ça. Donc, ça, c'est une des visions des experts. Il y en a quatre. Oui, les experts sont pas d'accord. S'entendent pas nécessairement, mais l'une de ces visions, c'est que les choses ne vont pas changer parce que les principaux acteurs du web ont un intérêt économique. Oui. Et même des acteurs politiques, si on pousse un peu, parce que lui dit, éventuellement, peut-être que des États vont trouver avantage aussi à mettre des robots sur le web, donc des robots qui retweetent, qui réagissent sur Facebook ou le reste, pour justement développer certaines opinions. Alors, il y a plusieurs acteurs qui vont trouver avantage. Ça, c'est effectivement, comme disait Dominique, c'est une des visions. Il y en a quatre parce qu'évidemment, 1700 personnes ne seront pas monolithiques dans leur avis. Cela dit, si on y va au grand pourcentage, là, c'est à peu près 40-40, ceux qui disent que ça va rester similaire, puis ceux qui disent que ça va être pire. Et ceux qui disent que ça va s'améliorer sont en minorité, de manière générale. L'autre élément aussi, donc dans le discours, ça va rester aussi pire, en fait, ça changera pas vraiment, c'est l'idée que l'humain reste humain. Et que des trolls, il y en a toujours eu au bout du compte. Sauf que quelque chose qui s'est passé avec le web où on a dit, on donne la voix, la parole à un peu tout le monde. Alors évidemment, ça donnait la parole à des gens qui étaient minoritaires, qui avaient effectivement pas de parole, qui ont pu faire entendre leur discours, faire entendre leur voix d'un point de vue politique, d'un point de vue social. Donc ça a donné la parole à des gens à qui on voulait donner la parole, c'était volontaire, et à des gens aussi à qui on ne souhaitait pas nécessairement donner la parole, les conspirationnistes, et le reste, ont des discours qui sont jugés antisociaux, des discours haineux, des discours d'intimidation et le reste, qui eux aussi par corollaire, si on peut dire, ont eu également accès à cette parole-là et prennent évidemment de plus en plus d'importance parce que c'est des gens qui, oui, peut-être pouvaient s'exprimer dans le passé, mais jamais avec autant de visibilité. C'est des gens qui, peut-être, se laissent aussi beaucoup plus libres de s'exprimer via le web à cause de l'anonymité, à cause du fait qu'il y a peu de conséquences, finalement, à leur discours, puisque, justement, ils réussissent à être anonymes, puisque l'Internet est un État à l'intérieur de l'État aussi, on pourrait dire. Donc, il y a cette dynamique-là. Et en même temps, d'autres disent, mais d'un autre côté, ça fait des années qu'ils n'ont pas non plus pris l'avant-scène autant. Alors, évidemment, il y a peut-être beaucoup aussi de frustrations qui sont restées internes chez les trolls et chez le troll au sens très large. Donc, finalement, il y a des discours, des paroles, des réflexions qui peuvent être mis de l'avant par ce contexte-là dans l'esprit où l'humain va rester justement de l'humain. Et en même temps, comme il y a une multiplication des discours, encore là, le troll n'est pas monolithique, le discours haineux ne l'est pas plus, alors ça devient extrêmement complexe aussi à gérer, gérer les contributeurs, à gérer les propos, à accompagner les plateformes, parce qu'après ça, on revient au thème 2, où on est dans une entreprise privée, c'est pas nécessairement leur avantage, est-ce que ça devrait être aux États à gérer le propos dans des plateformes privées, de quelle manière? Est-ce que ça devient très compliqué quand on veut gérer les commentaires, quand une entreprise de presse par exemple choisit d'ouvrir ses commentaires. En fait, c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs médias qui n'ouvrent pas leurs articles aux commentaires, c'est que c'est trop compliqué de les contrôler. Mais ils vont être ouverts ailleurs. Il y a des forums, il y a Facebook, il y a des différents trucs. Et ce qu'on dit aussi beaucoup, c'est dans cette thématique-là, c'est que oui, on peut nettoyer la façade. Mais l'humain va rester l'humain et il va toujours trouver une place pour une grande négativité. Et l'Internet, avec les possibilités d'anonymat qui sont ouvertes, mais peut aller très loin dans des propos durs et peut aller très loin dans l'anonymité aussi. Il s'agit de savoir un peu comment gérer des paramètres informatiques et on peut découvrir d'autres facettes du web sans même tomber dans ce qu'on appelle le dark web, qui lui est le web simplement par adresse IP, non, mais simplement dans le web officiel. Déjà aussi, il y a des raccoins qu'on peut aller invectiver. Mais est-ce qu'il y a de l'espoir un peu dans tout ça? Il y a des experts qui semblent un peu plus optimistes. Et moi, je dois dire que j'en suis un optimiste. Je me dis que le web, à quelque part, s'autorégule. Et pour chaque troll, il y a quelqu'un d'autre pour peut-être remettre cette personne-là à sa place. Et la vérité, en quelque sorte, finit toujours par émerger du fait du grand nombre d'internautes. Alors, moi, c'est comme ça que je le vois, un peu. Oui, il y a des faussetés qui ressortent, mais la vérité finit toujours par émerger. En fait, la troisième thématique, c'est un peu l'esprit justement où il y a des experts qui se disent, ben, ça va s'améliorer. Ça peut pas rester comme ça. Il y aura des solutions qui vont émerger, et il y aura peut-être, eux perçoivent en fait une division entre des zones contrôlées, un peu comme sur une plage. En fait, la zone surveillée puis la zone pas surveillée. Donc c'est un peu comme ça qu'ils voient la chose, avec l'aide d'intelligence artificielle, parce qu'évidemment l'humain peut contrôler des propos, il peut avoir une autorégulation, mais à un moment donné, quand certains discours intègrent eux-mêmes l'intelligence artificielle pour propager des discours haineux, pour propager des discours conspirationnistes et le reste, ben dans le fond ça nécessite que l'autre côté aussi s'ajoute une dose d'intelligence artificielle pour aller contrôler ces discours-là. Donc, s'assurer que les gens qui émettent sont effectivement des personnes, contrôler les thématiques des discours qui sont portés et le reste. Le défi, dans ce contexte-là, va être aussi de composer avec un web et par extension peut-être une société qui est de plus en plus divisée. Donc déjà on peut choisir notre réalité. Dans la mesure de nos réactions, dans la mesure de ce qu'on suit, on peut choisir de vivre sur une planète où il n'y a que du hockey, on peut choisir de vivre sur une planète où il n'y a que la droite qui a raison et le reste. Donc comparer votre fil d'actualité Facebook avec celui de votre voisin, il y aura des différences, c'est certain. On n'est pas touché par les mêmes contenus du fait de nos intérêts et de nos actions sur un réseau social. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, si jamais les gens ont l'occasion, c'est Radio-Canada qui a publié un article de Jeff Yates, où il a fait une expérience avec Facebook, justement, avec un compte vierge où il y avait une vingtaine de fils d'actualité auxquels il s'était abonné. Il a choisi de réagir seulement aux contenus extrêmes et conspirationnistes, et en à peu près une journée, là, son Facebook était rendu complètement métamorphosé en fonction de ces réactions-là. Je ferme la parenthèse là-dessus, mais c'est assez intéressant. Et ça montre un peu le défi face auquel on se trouve. Donc, dans le contexte, c'est un peu comme avec les virus informatiques. Donc, à chaque fois qu'il y a des nouvelles solutions qui vont être trouvées, ben, peut-être que les trolls et les acteurs qui les appuient, ben, vont eux-mêmes trouver des solutions pour contourner ces nouveaux dispositifs-là. Donc, il y aura, selon ces gens-là, une période d'instabilité, entre guillemets, au fil d'une certaine décennie. Éventuellement, ça devrait pouvoir se réguler. Et le défi dans ce contexte-là sera de diminuer le coût au maximum de cette régulation, ce qui amène un peu d'ailleurs le quatrième thème. Parce que si on décide de réguler, je parlais d'intelligence artificielle qui va contrôler les discours. J'ai dit le terme « contrôler des discours » aussi. Il y a une notion de censure qui peut apparaître dès lors qu'on effectue un contrôle sur ce qui est publié. Oui, et ça va venir à un coup, et c'est ce qui ressort beaucoup aussi de cette réflexion-là. Donc, l'Internet va se réguler parce que la surveillance va augmenter. Présentement, on est sensibilisé à ces propos-là, mais quelle liberté on est prêt à mettre de côté pour empêcher ces discours-là, ou empêcher d'être écrasé aussi par ces discours-là, parce que c'est la tangente que ça semble vouloir prendre, selon le thème 1 et le thème 2. Donc, comment éviter d'être écrasé par ces discours-là? Eh bien, c'est peut-être par des questions de surveillance à travers l'intelligence artificielle, à travers des régulations et donc à travers la création, comme on le disait, d'un espace régulé qui va être en mesure, lui, de gérer des comportements hostiles, d'adresser les discours violents, d'adresser les discours haineux et de prendre responsabilité au nom des États, plutôt que de laisser les gestionnaires de ces plateformes-là, les Facebook et Google et le reste, réguler à l'interne les discours qui sont effectués sur leurs plateformes. Parce que de toute façon, les plateformes sont rendues incontournables, sont rendues presque à l'égal du web lui-même, au bout du compte. Même pour beaucoup, ces plateformes-là sont le web. Alors donc, il y aura cette réalité-là qui risque de devenir importante. Et dans ce contexte-là, eh ben, on risque de passer le balancier de l'autre côté, où on risque de se retrouver dans un contexte où il y aura peut-être un peu moins de liberté d'expression, un peu plus d'embûches pour pouvoir aller de l'avant avec ce type de discours-là. Intéressant, intéressant tout ça. Et il y a que l'avenir finalement qui pourra nous dire quelle tendance va prendre la présence des trolls sur le web. Moi, je crois encore beaucoup à l'autorégulation parce que à ce moment-là, nos libertés ne sont pas brimées. Et il y a des systèmes qui existent. Vous pouvez signaler des personnes qui, selon vous, tiennent sur un réseau social des propos qui n'ont pas leur place. Je pense à une plateforme comme Reddit également, qui est peut-être un peu moins connue, mais vous pouvez laisser un commentaire et les gens votent pour votre commentaire. C'est bon, c'est pas bon, pouce vert, pouce en haut, pouce en bas. Et finalement, ben c'est encore une fois les commentaires qui ont le plus de sens, qui sont les plus intéressants, qui émergent, qui prennent le devant. Et ce qui est intéressant aussi dans les analyses du Pew Research Center, d'ailleurs l'étude est en ligne de manière intégrale, si on veut la trouver, on a juste à chercher donc le Pew Research Center sur Google, entre autres, et on va trouver l'étude assez rapidement. Mais eux, ce qui semblait ressortir dans leurs conclusions, ou du moins de certaines de leurs sources, c'est de dire qu'on est à une époque de changement, on est à une époque de mutation. Et donc, tout ça est nouveau. Alors, c'est pas anormal non plus qu'il y ait des bons défis, des bonnes côtes à monter dans le contexte actuel. La question, c'est plus de quelle façon on va monter cette côte-là, de quelle façon on va réussir à rectifier le tir. Mais ce que disent, c'est regarder déjà donc les fausses nouvelles, le discours haineux, la prévalence de ces thématiques-là sur ces plateformes de médias sociaux-là préoccupe. Il y a beaucoup de sonnettes d'alarme qui sont lancées. Il y a des projets de recherche qui s'intéressent à ces éléments-là en lien avec les sonnettes d'alarme qui ont été lancées. Les États s'interrogent, les plateformes elles-mêmes s'interrogent. Alors nécessairement, il y a un brassage d'idées qui se fait, il y a une réceptivité à ces idées-là qui se passe aussi. Et donc, il y aura peut-être aussi des changements, pour le mieux ou pour le pire, qui vont être amorcés au fil des prochaines années. Donc, on est à une époque de mutation. Le Web 2.0, c'est quand même quelque chose de relativement récent. Déjà que le Web, c'est dans la grande histoire de l'humanité, relativement récent également. Alors, ce serait intéressant de voir comment, dans l'avenir, ça va aussi se développer dans le contexte où on est à l'époque où le schisme se fait. On termine ça sur une note positive. J'aime ça. Merci beaucoup, Raymond Poirier. Fait plaisir. Et à bientôt.